C'est adoré parbleu, qu'il en avait fait autant, et souvent encore, toutes les fois qu'il avait pu. Il n'avait pas respecté non plus le toit conjugal. Et, quand elles étaient jolies, il n'avait jamais hésité devant les servantes de sa femme. Était-il pour cela misérable? Pourquoi jugeait-il si sévèrement la conduite de Julien, alors qu'il n'avait jamais même songé que la sienne pût être coupable? Et la baronne, tout essoufflée encore de sanglots, eut sur les lèvres une ombre de sourire au souvenir des fredaines de son mari, car elle était, de cette race sentimentale, vite attendrie et bienveillante, pour qui les aventures d'amour font partie de l'existence. Jeanne, affaissée, les yeux ouverts devant elle, allongée sur le dos et les bras inertes, songeait douloureusement. Une parole de Rosalie lui était revenue, qui lui blessait l'âme et pénétrait comme une vrille en son cœur. « Moi, j'ai rien dit, parce que je le trouvais gentil. » Elle aussi l'avait trouvé gentil, et c'est uniquement pour cela qu'elle s'était donnée, liée pour la vie, qu'elle avait renoncé à toute autre espérance, à tous les projets entrevus, à tout l'inconnu de demain. Elle était tombée dans ce mariage, dans ce trou sans bord, pour remonter dans cette misère, dans cette tristesse, dans ce désespoir, parce que, comme Rosalie, elle l'avait trouvé gentil.